Francisco Douimane. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres. Nous sommes le 28 décembre 2020. Le gouvernement burundais recommande la suspension immédiate des agences de recrutement des Burundaises pour les pays arabes. La décision a été prise en Conseil des ministres de jeudi qui a constaté que le nombre de celles qui se rendent dans le Golfe arabe augmente ces derniers mois. Et certaines personnes ne parviennent pas à rembourser les dettes contractées auprès des différentes associations de solidarité et de crédit mutuel à cause de la pauvreté dans certaines familles de la province Bubanza. Notre correspondante nous donnera les détails. Et puis, dans la chronique sport, aujourd'hui, nous parlons de l'arbitrage de boxe. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le Conseil des ministres tenu jeudi a ordonné la suspension immédiate des agences de recrutement des Burundaises pour les pays arabes jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement a recommandé à l'agence de promotion des investissements API d'arrêter tout agrément de ces agences et leur enregistrement. Il a affirmé que le nombre de Burundaises franchissant les frontières aujourd'hui vers le Golfe arabe est en augmentation par rapport au mois passé. Suivez cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres lu par le secrétaire général de l'État, Prosper Nahorguamiye. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a informé le Conseil sur le mouvement de départ des jeunes filles et femmes burundaises vers les pays du Golfe à la recherche du travail. Le mouvement qui avait diminué suite à la fermeture des frontières à cause du coronavirus reprend de l'ampleur avec l'aéroport international de Bujumbura. Des sociétés privées agréées au Burundi collaborent avec les missions de recrutement dans les pays arabes pour aider la jeunesse burundaise à obtenir des contrats de travail. Suite au rapport faisant état de traitements inhumains et dégradants, d'esclavage et autres sévices envers ces jeunes filles, et que la protection des Burundais est une responsabilité de l'État, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ce travail de placement de la main-d'œuvre ne devrait pas être laissé à la seule responsabilité des privés au risque d'être accusés de traite d'êtres humains. En attendant la mise en place des structures chargées du suivi des Burundais allant travailler à l'étranger, depuis le début du processus de recrutement jusque dans les pays d'accueil, la note propose entre autres, premièrement, de suspendre immédiatement toutes les agences de recrutement jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, suspendre l'octroi d'agrément de nouvelles agences de recrutement ainsi que l'enregistrement par l'agence de promotion des investissements. Troisièmement, et enfin, redoubler de vigilance dans l'octroi des passeports afin de détecter à temps les personnes susceptibles d'être victimes de ce trafic humain. Le Conseil des ministres a soutenu les propositions en recommandant en plus que les sociétés impliquées dans ce trafic soient radiées et sanctionnées selon les lois et règlements en vigueur et poursuivre en justice les personnes impliquées dans cette affaire. Prosper Nahorguamiye, secrétaire général de l'État. Certaines personnes ne parviennent pas à rembourser les dettes contractées auprès de différentes associations de solidarité et de crédit mutuel à cause de la pauvreté dans certaines familles de la province Bubanza. Le responsable provincial du mouvement coopératif et associatif à Bubanza appelle les membres de ces associations à prévoir chaque fois des règlements d'ordre intérieur clairs pour éviter les conflits. Edouard Nzambimana fait également savoir qu'il enregistre chaque semaine plus de 20 cas de conflits dans ces associations. Spes Caritas Kabanyana. Une femme du centre commercial de Musenyi en commune Mbanda qui a parlé sous l'anonymat nous a raconté qu'elle a eu une dette de 450 000 francs burundais dans une association de solidarité et de crédit mutuel sur sa colline. C'était au mois de septembre et elle devrait rembourser après 3 mois avec un intérêt de 10%. Elle voulait faire un petit commerce d'huile de palme comme elle le dit, mais avec la pauvreté et beaucoup de besoins dans son ménage, elle a utilisé la moitié de la dette pour subvenir aux besoins familiaux et le reste, elle dit qu'elle n'a pas eu de bénéfice dans le petit commerce qu'elle avait entamé. Au moment du remboursement, elle n'avait aucun sou, c'était la semaine passée, ce qui a créé des conflits au niveau de son association car elles étaient au nombre de 4 membres qui n'ont pas pu rembourser parmi 15 membres qui font l'association. Au niveau de l'administration et de la police, on indique que des conflits pareils sont nombreux sur différentes collines de cette province de Bubanza, mais qu'on essaie à rétablir l'ordre si des cas pareils sont rapportés. Edouard Nzambimana, responsable provincial du mouvement coopératif et associatif, fait savoir que pour des associations de solidarité et de crédit mutuel, souvent le partage est prévu à la fin de l'année et actuellement il dit qu'il enregistre plus de 20 associations par semaine qui ont des conflits pareils. Edouard Nzambimana précise également qu'il a déjà enregistré plus de 1000 associations au niveau de toute la province et plus de 500 coopératives de développement. Il demande aux membres de ces associations et coopératives de prévoir chaque fois le règlement d'ordre intérieur, ce qui pourrait diminuer des conflits éventuels. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Et plus de 2000 naissances ont été déclarées avec retard dans différents services d'état civil des 9 communes de la province Ngozi. Ces enfants sont pour la plupart issus des foyers illégalement formés ou sont des enfants naturels. Le contrôleur provincial de l'état civil appelle les parents à déclarer à temps ces enfants pour qu'ils bénéficient de leurs droits, notamment des soins gratuits. Athanase Kiwinakanwa signale aussi que leurs parents bénéficient d'une dispense temporaire d'amende pour ces naissances déclarées tardivement. Apollinaire Mozagara. Le contrôleur provincial de l'état civil conseille à ses parents qui déclarent avec retard les naissances de leur fils dans les délais légaux de 15 jours à partir de la naissance afin d'éviter de longues procédures qui en découlent. Sinon, pour être enregistré après le retard, le parent doit être en possession d'une décision du gouverneur de province l'autorisant à faire la déclaration à l'état civil. D'où bon nombre de parents, notamment ceux ici des coins plus éloignés du chef-lieu de la province, éprouvent d'énormes difficultés d'avoir ce document et préfèrent le laisser. C'est quand l'enfant tombe malade que le parent se précipite à chercher cette attestation, car pour bénéficier des soins gratuits, le parent doit disponibiliser un extrait d'acte de naissance de son enfant. Athanase Kiwinakanwa invite de tels parents à le faire tôt, arguant même que le ministère de l'Intérieur a donné une année de dispense temporaire d'amende. Sinon, dit-il, une amende de 10 000 à 30 000 francs bou est exigée pour chaque enfant selon la gravité du retard. Les naissances déclarées tardivement sont pour la plupart, selon cet officier d'état civil, ceux des filles et mères, ceux issus des unions illégales, des ménages batois et autres. Depuis janvier 2020 jusqu'à novembre de cette année même, 2205 naissances déclarées avec retard ont été enregistrées en province Ngozi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire. Toujours dans les nouvelles des provinces, les commerçants du marché de Kirundo disent être menacés par la fumée des gens qui achètent et consomment du tabac traditionnel vendu au même marché. Les femmes enceintes disent qu'elles sont plus menacées que les autres. Le médecin chef de district Kirundo fait savoir qu'il est strictement interdit de fumer en public et signale que celui qui aspire la fumée est plus exposé que le fumeur. L'administrateur de Kirundo fait savoir qu'il va vite étudier le cas pour que les commerçants fassent leurs activités sans nuire aux autres. Abraham Safari. Comme nous l'ont fait savoir certains commerçants du marché central de Kirundo, ils se sentent très mal et gênés suite à la fumée du tabac traditionnel vendu au même marché, car les personnes qui achètent doivent d'abord goûter en fumant. Les femmes qui font la vente des haricots, du riz, la farine et les fruits qui sont proches du lieu où se vend ce tabac, elles signalent qu'elles éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'elles ont amené leurs petits-enfants alors qu'elles n'ont pas un autre endroit à les mettre. Elles disent encore qu'elles peuvent passer toute la journée en toussant suite à la fumée inspirée. Elles s'inquiètent alors qu'elles peuvent être attaquées par des maladies diverses, surtout dans les poumons. Une parmi ces femmes nous a signalé qu'elle ne peut pas fréquenter son milieu lorsqu'elle est enceinte car elle sent des menaces qui risqueraient même à l'avortement, du moins selon lui. Nous avons contacté à ce sujet le médecin chef de district Kirundo. Il nous a dit qu'il est très interdit de fumer étant dans le public car celui qui inspire la fumée en provenance du fumeur est beaucoup plus menacé de plus que ce dernier. Il rappelle que le tabac est mauvais pour la santé, pour celui qui fume ainsi que celui qui inspire la fumée. Tous connaissent des problèmes au niveau de la partie respiratoire. Quant à l'administrateur de la commune de Kirundo, Habimana Viateur, il revient également à l'interdiction de fumer étant dans un groupe ou dans le public et il promet qu'il va étudier le cas pour faciliter les commerçants dans leurs tâches. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les marchands et transporteurs exerçant leurs activités autour de l'ancien marché central de Bujumbura disent que l'état de salubrité à cet endroit s'améliore petit à petit. Ils déplorent toutefois le fait que certains citadins jettent toujours des bouteilles d'eau et des restes d'aliments sur les voies publiques. Etienne Sanzamahoro, un des responsables du parking des bus du Nord, souligne aussi qu'il y a des initiatives menées par des chauffeurs et convoyeurs pour que les parkings restent propres. C'est un reportage d'Aubin Niyonkuru. Les usagers des stands et autres lieux de commerce autour de l'ancien marché central de Bujumbura se disent satisfaits de l'état de salubrité de ces places par rapport à la situation d'il y a quelques mois. Chacun des commerçants, disent-ils, a le devoir de nettoyer devant son stand journalièrement. Il en est de même que pour les parkings des bus desservant le nord et le sud de la capitale économique Bujumbura. En collaboration avec la mairie, l'association des transporteurs du Burundi dit avoir mené des initiatives pour rendre propres les parkings. Selon Étienne Sanzamahoro, l'un des responsables du parking des bus du nord de Bujumbura, bien que la situation se décrit ainsi, il y a dans certains coins de petits tas d'immondices. Il déplore que d'un côté, il mène des travaux de propreté et que de l'autre, certains citadins jettent toujours des bouteilles d'eau ou des restes des aliments sur les voies publiques. Sur la partie ouest de l'ancien marché, il y a aussi des immondices entassés depuis 3 jours. Les commerçants disent que ces immondices étaient amassés dans l'ancienne place dénommée le grenier du Burundi et que le Saint-Ro dégageait d'ici peu. C'était un reportage d'Aubin Niyonkuru. Et environ 2000 hectares sur 4670 que compte légalement la réserve naturelle forestière d'Ovianda et la superficie restant à l'abri de la destruction de cette réserve suite aux différentes activités humaines. Léonidas Nzigiyima, responsable de l'association Conservation et Communauté de Changement qui donne ces chiffres, dit que cette association s'active en collaboration avec l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge pour sauver ce qui reste à sauver. Ce protecteur de l'environnement appelle la population à s'y impliquer davantage vu qu'elle n'est pas épargnée des effets néfastes de cette destruction. Et certains clients de la régie des eaux du nord de la capitale économique Bujumbura demandent que le nombre de centres d'approvisionnement en unité cache-paroi augmente. Ils disent faire de longs trajets pour arriver au point de vente existant, perdant ainsi du temps et les moyens. Omer Ndouayo. Ce sont des grognes de clients de la régie des eaux de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. Ils s'indignent de la nouvelle façon de vendre les unités cash power, disant que les points de vente sont éloignés de leur domicile. Pour moi, avec ce système, je fais un long trajet, ce qui occasionne des dépenses en carburant et en temps. Vous savez que le temps, c'est de l'argent. Donc, ce système n'est pas mieux par rapport au précédent. C'est pas facile parce que maintenant, on peut fournir des efforts pour aller au point de vente qui est destiné par rapport à ce que nous avons déjà par le Payway Burundi. Maintenant, on peut arrêter quelques travaux qu'on peut réaliser à la maison pour aller à la recherche de l'électricité. Il demande la multiplication des points de vente des unités pour les faciliter. Je conseille à la régie des eaux de multiplier les points de vente et qu'à chaque avenue, 2 à 3 avenues, on puisse y implanter un point de vente. Cela faciliterait les clients de la régie des eaux. Faudrait mieux si la régie des eaux nous multiplie des points de vente des unités cash power, car ce qui a été mis en place sur le web de chez nous. En commune Nahangwa, les points de vente des unités cash power sont entre autres les 2 agences de la banque de crédit de Bujumbura, dont celle de Kigobe, qui avait déjà accueilli plus de 20 clients le matin de ce lundi, et celle de la gare du Nord, là où le vendeur avait servi 4 clients seulement jusqu'à 10h30 ce lundi, selon les informations que nous devons au vendeur. Le point de vente est le plus fréquenté étant l'agence de la régie des eaux du quartier 6 en Ngagara. C'était un reportage d'Omer Ndouayo. Je vous en avais parlé et en province Bururi, à Vianda. La réserve naturelle forestière de Vianda est menacée par l'activité humaine. Environ 2000 hectares sur plus de 4500 restent. Léonidas Senzigiyima, responsable de l'association Conservation et Communauté de Changement qui donne ces chiffres, dit que son association s'active pour sauver ce qui reste à sauver. Jean-Pierre Misago. La destruction de la réserve naturelle et forestière de Vianda, notamment en y aménageant des champs de culture ou en y coupant des arbres, se poursuivent malgré les appels et différentes réunions de sensibilisation de l'OBPE en faveur de la protection de cette réserve. François Manirambona, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, antenne provinciale de Rumonge, reconnaît cet état de fait et indique que l'OBPE ne reste pas les bras croisés. Et la situation de la réserve naturelle de Vianda vraiment maintenant est menacée par la population environnante qui veut s'installer dans la réserve pour cultiver et couper des arbres. Mais nous allons faire le tout possible pour protéger cette réserve. Léonidas Nzigima, représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement, dit qu'en collaboration avec l'OBPE et la population locale, il faut sauver ce qui reste à sauver. Qu'est-ce qui reste à sauver? Il reste encore 2000 hectares de forêt claire composée de brachystésia qu'on peut sauver. Il reste encore un petit groupe de chimpanzés, estimé à plus ou moins 30 individus, qu'on peut encore sauver. Il reste encore une biodiversité impressionnante dans cette aire protégée qu'on peut sauver, qui estimativement s'étend sur plus ou moins 2000 hectares. Pour le reste, il appartient au gouvernement burundais d'y statuer, comme le dit cet expert dans la protection de l'environnement. Pour le reste, les 2600 hectares déjà envahis, déjà complètement dévastés, occupés, il appartient au gouvernement de prendre une décision en faveur de la biodiversité, bien entendu également en faveur des communautés locales, et trouver une solution qui met, je dirais, les deux parties dans une même position de gagnant-gagnant. En ce qui la concerne, cette association a récemment engagé 3 éco-gardes communautaires pour appuyer les 6 agents de l'OBPE sur place, mais la communauté locale doit s'y impliquer activement selon son protecteur de l'environnement. Jean-Pierre Misago depuis Tchabara en zone Kigwena, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En Ouganda, de nouvelles violences ont eu lieu ce dimanche 27 décembre en marge de la campagne de l'opposant Bobi Wine pour la présidentielle prévue le 14 janvier prochain, quand il affrontera le président sortant Yoweri Museveni. En déplacement près de Masaka au sud, 2-3 journalistes ont été blessés lors d'affrontements avec la police et un membre de la sécurité de l'opposant est décédé selon son équipe de campagne. Les Centrafricains ont voté ce dimanche pour élire leur président et leurs députés, mais une partie probablement importante d'entre eux n'a pas pu participer à ces élections dans un pays en guerre civile et sous la menace de groupes rebelles à l'offensive contre le sortant et favori Faustin Archange Touadéra. Le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagi a salué à la clôture du scrutin l'engagement et la volonté ferme des populations qui ont bravé les groupes armés. L'autorité nationale des élections n'a évoqué que de petits soucis sécuritaires dans quelques endroits. Un satisfecit contesté par les experts et des observateurs étrangers dépêchés pour surveiller le scrutin. Et au Cameroun, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, ont été tuées dimanche dans la collision d'un bus contre un camion dans le centre du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé la police. Le bus a fini sa course dans un ravin et 19 passagers ont également été blessés. L'accident s'est produit en pleine nuit. Les occupants du bus revenaient de Fumba, dans l'ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé après les festivités de Noël. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sportive aujourd'hui, nous parlons de l'arbitrage de boxe. Un match de boxe connaît un arbitre central qui collabore avec 5 autres juges arbitres. Eric Ndayishimiye, président de la Fédération burundaise de boxe, fait savoir que ces juges arbitres donnent des points lorsqu'un boxeur donne un coup à son adversaire en respectant les règles régissant ce sport. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet. Un match de boxe est arbitré par un arbitre central qui collabore avec le commissaire chargé de distribuer les points selon le mouvement des boxeurs. C'est l'explication de Eric Ndeishimiye, président de la Fédération burundaise de boxe. À part l'arbitre qui se trouve dans le ring, il y a les juges arbitres qui se trouvent à l'extérieur du ring, disposés autour du ring mais pas proche à proche. Chacun donne ses points selon comment il y voit le quel boxeur qui est en train de bien boxer, quel boxeur qui n'est pas en train de donner des coups. Et dans les conditions normales, le juge arbitre donne un point quand le boxeur donne un coup avec la partie autorisée, que je dirais que c'est la face antérieure des métacarpiens. Si l'autre boxeur ne parvient pas à bloquer son coup, directement il gagne un point. Il précise que ses commissaires donnent les points en se référant sur les lois internationales régissant le sport de boxe. Pour l'arbitrage, je dirais que c'est dans la logique ou dans le cadre de sauvegarder la santé du boxeur. C'est ainsi que l'AIBA, l'Association internationale de boxe amateur, il y a des experts qui ont pu confectionner un livre pour les règles à respecter pendant le combat. Et ces règles-là, ça mène à quand le boxeur a vaincu, chaque round compte 3 minutes et dans ces 3 minutes-là, on doit voir celui qui a plus de points. Ce président de la Fédération burundaise de boxe fait savoir que dans les pays sous-développés, les points sont octroyés en utilisant le système d'effet de pointage. Pour donner les points, il y a ce qu'on appelle l'effet de pointage ici dans les pays sous-développés. Et ce sont ceux-là que les arbitres utilise pendant le combat autour du ring et ils mettent les points. Et quand il y a un KO, là où on boxe, le boxeur tombe et il ne revient pas, là-bas automatiquement c'est l'autre boxeur qui est vainqueur et on doit marquer sur l'effet de pointage. On totalise les points après 3 rounds et si on voit que le boxeur qui a plus de points, c'est lui le vainqueur. Lors des compétitions, le boxeur qui donne un coup efficace à son adversaire est proclamé vainqueur selon toujours Eric Ndeishimiye. Il y a des cas où le boxeur est battu et puis il tombe, il ne parvient pas à se soulever. Automatiquement, le vainqueur, c'est l'autre boxeur là qui a pu donner un coup efficace à son boxeur. Mais il y a d'autres astuces. Par exemple, on peut te donner beaucoup de coups sur la tête et on voit qu'il y a une supériorité, je dirais, technique et le boxeur ne parvient pas à bloquer. Et après, on arrête le combat et on proclame que le boxeur qui a donné plus de points, il a gagné. Dans la prochaine chronique sportive, Eric Ndeishimiye expliquera comment se fait l'arbitrage de boxe selon les trois types de boxe, à savoir boxe éducative, boxe olympique ainsi que la boxe professionnelle. Marie-Claire Cazeneza dans la chronique sport. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous pour votre aimable attention. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.